En visitant Mangyongdae, lieu sacré de la révolution, les amis étrangers expriment l'admiration et le respect sans borne envers le président Kim Il-sung. Le chef de la délégation de l'Organisation d'études des études de l'Inde a souligné comme ce qui suit. Tout le monde ne sait pas que le président Kim Il-sung est né dans une chaumière modeste. Le président s'est engagé dans la voie de la révolution avec le grand dessein de recouvrer l'indépendance du pays à l'âge d'une dizaine d'années et a conduit à la victoire la lutte révolutionnaire anti-japonaise de plusieurs dizaines d'années pour la liberté et l'indépendance de la Corée. Le président du Cercle d'études de la politique de Songun de l'Université Bandundu du Congo démocratique a dit que la chaumière au toit bas où le président Kim Il-sung est né est devenue le lieu sacré de la révolution et que Mangyongdae est le pays natal qui se trouve dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste. Le chef du Cercle d'études des études à Madrid, Espagne, et l'administrateur général adjoint du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, ont indiqué comme ce qui suit. Le président Kim Il-sung est né dans une famille populaire et devenu grand révolutionnaire. Et il a accompli les grands exploits pour la révolution coréenne et la cause d'émancipation de l'humanité. L'administrateur général adjoint de l'Institut international des idées du Jutsu a exalté comme ce qui suit. À présent, la Corée avance invariablement sur la voie du socialisme sous la direction de son Excellence Monsieur Kim Jong-un qui continue telle quelle l'œuvre du président Kim Il-sung. La Corée est un grand pays guidé par les éminents leaders de génération en génération.